Quatrième station. Jésus rencontre sa très sainte mère. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. L'Église de Jésus-Christ, ensemble Vierge et Mère, a pour type la Vierge Marie, Mère du Sauveur. Après la première chute, Jésus rencontre donc sa très sainte mère pour nous apprendre que l'homme, ayant perdu la lumière surnaturelle, ne peut désormais, sans l'Église, arriver à l'unité de la foi, à la vivifiante connaissance du Fils de Dieu. Le genre humain a besoin que le dépôt des vérités révélées par le Sauveur se conserve toujours inaltérable. Il a besoin qu'une autorité vivante et toujours subsistante décide souverainement toutes les contestations de doctrine et fasse discerner infailliblement l'erreur d'avec la vérité. L'homme aveuglé par le péché ne retrouvera donc point la lumière s'il ne rencontre l'Église par qui seul Jésus se manifeste au monde. Car l'Église, figurée par Marie, ne se sépare point du Fils de Dieu. Elle l'accompagne au calvaire, le dépose au sépulcre, le retrouve à la résurrection. Elle assiste à son ascension. Et quoique demeurant jusqu'à la fin du monde sur la terre, elle le suit par l'esprit et par le cœur dans les cieux. Ô Jésus, mon divin Maître, c'est donc encore pour mon salut que vous ressentez les cruelles atteintes du glaive dont votre sainte mère a le cœur transpercé, en vous voyant au milieu de vos bourreaux et chargée de votre croix. C'est pour moi que vous consentez à causer à cette mère si tendre et tant aimée une si épouvantable affliction. C'est au prix de votre douloureuse passion qu'il vous faut acquérir votre Église, c'est ainsi que vous la fondez sur la pierre, afin que les portes de l'enfer ne puissent jamais prévaloir contre elle. Ô Jésus, quel sublime privilège vous lui méritez par vos souffrances. Vous lui confiez le dépôt des saintes Écritures et des traditions divines, qu'elle transmettra fidèlement à tous les âges, non seulement avec la plus haute certitude humaine, mais encore avec l'autorité irréfragable d'une infaillibilité surnaturelle. Vous lui donnez l'unité. Sous la houlette de pierre, elle ne forme qu'un seul et même corps, conduit par un seul et même chef, professant la même foi, unis par les mêmes sacrements. Vous la sanctifiez par votre opération incessante, vous la vivifiez par votre esprit, vous faites jaillir en son sein toutes les grâces nécessaires au salut des hommes, et jusqu'à la fin des siècles, vous vous susciterez parmi ses enfants les plus dociles des âmes héroïques, dont vous ferez éclater miraculeusement la sainteté aux yeux de l'univers. Et parce que vous appelez tous les peuples à l'admirable lumière de votre évangile, votre Église remplit le globe entier. Elle est catholique, partout elle est visible, brillant d'un éclat qui se fait apercevoir aux plus aveugles. Elle est la splendeur qui reflète Jésus jusqu'aux dernières extrémités du monde. Partout elle présente aux hommes son divin ministère, sa doctrine toute céleste, ses admirables moyens de salut. Vous la bâtissez sur le fondement des apôtres. Vous ne l'avez pas établie seulement pour tous les lieux, mais vous la conservez dans tous les âges par une assistance perpétuelle pour la sanctification de tous les siècles. Son ministère remonte par une succession légitime et non interrompue jusqu'aux apôtres qui ont reçu de vous leur divine mission. L'autorité spirituelle que vous leur avez confiée subsiste et subsistera dans ses pasteurs et ses docteurs jusqu'à ce que leur ministère ait achevé l'œuvre de la consommation des saints, jusqu'à ce que votre corps mystique soit complet et parfait. Ô Sainte Église romaine, je me réjouis de vos glorieuses prérogatives. Ô ma maîtresse et ma mère, je bénis le souverain médiateur qui vous a choisi pour être l'unique voie du salut. Vous seule êtes l'épouse sans tache que Jésus a acquise par son sang. Nouvelle Ève, vous êtes la mère de tous les vivants. C'est par vous, avec vous et en vous, que j'appartiens au corps mystique du Sauveur, que je suis un de ses membres, que je puis vivre de son esprit et de sa vie. Ô Sainte Église, je crois avec la plus entière conviction tout ce que vous me proposez à croire. Je le crois parce que celui qui vous écoute, écoute Jésus lui-même. Celui qui vous obéit, lui obéit. Vous êtes dirigé par l'Esprit Saint qui vous enseigne à jamais toute vérité. Vous avez les paroles de la vie éternelle. Vous communiquez aux hommes les fruits de la passion du Sauveur. Jésus est avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Oh non, je n'oublierai jamais à quel prix vous avez été fondée. Vous serez toujours la lumière de mes yeux, la règle de mon intelligence, le guide de mes pas, l'affection de mon cœur, la joie de mon âme. Enfant docile, je recevrai avec amour toutes vos paroles. Je les mettrai en pratique avec une constante fidélité. Je partagerai et vos douleurs et vos consolations. Je prierai sans relâche pour votre exaltation et pour le salut de mes frères. Et vous, ma mère, Vierge toujours immaculée, vous me guiderez aux sources d'eau vive qui jaillissent jusqu'à la vie éternelle, car c'est sous votre conduite et en votre sein que je veux vivre et mourir. Dire à notre Père et le Je vous salue Marie. Mère Sainte, accordez-moi cette grâce, imprimez fortement à mon cœur les plaies de mon Dieu crucifié. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, aujourd'hui et toujours, comme dès le commencement et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ainsi soit-il. Les chantres. Son fils bien-aimé, elle le voit mourant et sans consolation à son dernier soupir. Le peuple. Mère sainte, accordez-moi cette grâce. Imprimez fortement en mon cœur les plaies de mon Dieu crucifié.